Pour vos idées cadeaux de Noël à prix abordable, le magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini, c'est l'endroit à visiter. Le propriétaire Ken Bennett et tout le personnel souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population et vous remercient de votre encouragement durant toute l'année. Le magasin Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 276-2385. Et n'oubliez pas de consulter notre circulaire chaque semaine. Très bon article de Marc Defoy dans le Journal de Montréal hier. Marc Defoy concernant l'article du New York Post en fin de semaine où que le journaliste de New York a été vraiment cinglant envers Piquet Subban. Et la question, est-ce que Piquet est en train de détruire sa carrière? On parle avec Marc Defoy. Salut Marc! Bonjour Danny! Marc, quand j'ai vu ton article hier, là, je me suis dit, faut-tu faire un parallèle entre Piquet et Eugénie Bouchard? Oui, on peut faire un parallèle entre les deux, et avec bon nombre d'autres athlètes. Il y a quelqu'un qui m'a écrit hier pour me dire, ben, on peut faire un parallèle, une comparaison aussi avec Alexandre Daigle. Ouais. On se rappelle que Daigle avait même pris sa retraite à un moment donné. Puis dans une longue entrevue à Radio-Canada, il avait déclaré qu'au fond, lui, c'était pas une carrière de joueur de hockey qu'il recherchait, mais il voulait faire... carrière comme artiste, ouais. Comme comédien à Hollywood. Mm. Tu sais? Non, mais les médias sociaux, puis la distraction, ouais. Mais quoi que... Ouais. Génie, c'est quasiment ça que c'est arrivé, là. Quoi ouais. Qu'on dit 80 ans. Ouais. Ben, c'est qu'à un moment donné, ces athlètes-là, puis on parle de Génie Bouchard, mais ben, il y avait autrefois aussi Anna Kournikova. Ça, c'est un autre exemple. Mm. C'est qu'ils perdent leur repère. Mm. Ils oublient ce qui les a amenés là. Mm. Qu'est-ce qui a amené Subban à la Ligue nationale de hockey à jouer à faire carrière? Un, c'était son amour pour le hockey. C'est un gars qui aimait jouer au hockey comme tous les autres joueurs qu'on retrouve dans la Ligue nationale. Mm. C'est un gars qui était bon, il jouait au hockey par plaisir. Ouais. Et avec le temps. Surtout à partir du moment là qu'il est devenu professionnel, ben, à un moment donné, la célébrité, je sais pas trop, la célébrité lui doit compter là-dedans. Il y en a qui sont capables d'être très bien composés avec ça. Ouais. Il y en a d'autres, je dis pas qu'ils composent mal avec ça, mais là, au contraire, ils se voient peut-être plus grands qu'ils ne le sont en réalité. Ouais. C'est malheureux à dire. Mais c'est un peu ça. Et Piquet, écoute, moi là, je vais le défendre. Il n'y a jamais personne qui va me dire que Piquet, c'est un mauvais gars. Non, non. Au contraire. Ouais. C'est un gars qui a le cœur sur la main. Il est jovial. Puis c'est une bonne personne. C'est une bonne personne. Écoute, son père qui était enseignant, qui est un enseignant à la retraite, il a très bien élevé ses enfants. Ouais. Moi, j'ai rencontré la famille à deux, trois occasions. Puis c'est des bonnes personnes, c'est une belle famille. Mais Piquet, il a perdu ses repères. À un moment donné, il a jamais reculé devant un micro ni une caméra. Puis là, ben, il a commencé à commercialiser son nom. Puis il s'est jamais caché pour le dire. Moi, je suis une marque. Ouais. Donc, je suis une marque. Donc, je fais ma promotion, puis je la fais de toutes les façons. Quand il est arrivé avec les Canadiens, tu te rappelles Al Gill, c'est son grand frère oui. Un peu. C'était, tu sais, mené Al Gill avait comme poivré, oui. Poivré. Est-ce que ça y est? Oui. On dit qu'il y avait à peu près rien que lui qui était capable de le contrôler. À un moment, il faut quelqu'un, à un moment donné, ouais. pour rappeler des gars à l'ordre. Moi, je me rappelle. Lorsque Claude Lemieux est arrivé chez le Canadien, première des choses, on lui avait fait passer une saison dans les ligues mineures. Mm. Parce que, on voulait, comme on disait à l'époque, on voulait le casser. Ouais. Parce qu'il avait un caractère assez spécial. Puis, c'était pas la même histoire que Piquet, mais c'était un gars qui était bouillant, puis qu'il était confiant. Puis, à un moment donné, ben, c'était trop, donc on dit, tu vas aller passer une saison dans la Ligue américaine. Et lorsqu'il est arrivé avec l'équipe, le grand club, ben il y avait des gars comme Bob Gainey puis Larry Robinson qui pouvaient le ramener à l'ordre dans la chambre. Ouais. Et il me disait, écoute, là, Claude, calme-toi, là. Puis dans le cas de Piquet, oui, il y avait Hal Gill à l'époque. Je sais que lorsqu'il il a joué une saison à Hamilton, l'entraîneur c'était Guy Boucher à l'époque. Puis Guy Boucher, des fois, il avait recours à des moyens draconiens là pour le ramener sur terre. Là. Il a fait sauter quelques matchs. Il lui poussait dans le dos pas mal. Puis il était assez sévère avec lui parce que il voyait bien là que. Il voyait bien que le type de bonhomme que Subban est. On peut dire, tu sais, c'est drôle à dire, t'sais, c'est que le hockey, c'est un milieu conservateur. Dans un sport comme le football, je pense au football, la NFL ou la NBA, les Piquet Subban, il y en a plein. Il y a plein d'athlètes dans ces sports-là. Qui ont des compagnies qui font leur promotion, puis sont partout, on les voit partout. On se rappelle à l'époque des Deion Sanders. Puis c'est accepté. Au hockey, le hockey n'en est pas là encore. Non. Le hockey, c'est un sport relativement conservateur. Puis les joueurs, il faut vraiment. Le concept d'équipe, là, ça fait foi de tout. C'est vraiment. C'est pas comme dans d'autres sports. Au hockey, c'est encore préservé, ce concept-là. Oui. Même s'ils sont riches, est-ce que jouer dans un... Parce que là, ils jouent à Montréal, ils jouent au New Jersey. C'est sûr que jouer au New Jersey puis jouer à New York, c'est pas jouer pour les Devils puis jouer pour les Rangers, c'est pas pareil non plus. Ouais, mais c'est quand même... C'est quand même... Il est proche de la grosse pomme. Donc, est-ce que tu penses que Piquet, de jouer dans un petit marché, c'est l'idéal pour lui? Parce que là, Montréal, il s'est enflé la tête à Montréal un peu. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Qu'il devrait jouer dans un petit marché plus? Ben, moi, je pense que, écoute, peu importe le marché, ça va avec la personnalité du bonhomme. Nashville, on ne peut pas dire que c'est un très gros marché. Non, là. Non, c'est ça. Subban, il était partout en ville. À New Jersey, ben, on a juste à traverser la rivière Hudson, puis on est rendu à Manhattan. Donc, on parle d'un très gros marché. Par contre, c'est sûr qu'à New York, là, Subban, là, Piquet Subban se fond dans la fonte, là, un peu, là. Veux dire, avant que les gens commencent à parler de Piquet Subban, ben, ils vont parler des Giants de New York, des Jets de New York, des Yankees, des Mets à Menlay, là. Les Devils sont la troisième, c'est la troisième équipe, là, de New York, là, d'hockey, là. Ah, pour le hockey, sans nul doute. Puis les Devils et les Islanders, là, dans le marché sportif de New York, là, ils sont loin. Bon, enfin, faisons un calcul rapide. Là. Il y a deux équipes au football, deux équipes au baseball, ça fait 4. 3 au hockey, ça fait 7. 2 au basket. 2 au basket, ça fait 9. Puis 2 au soccer. Puis 11. Puis des universités américaines aussi, c'est très fort. Restons aux équipes professionnelles, au marché professionnel. Ouais. Donc, on parle de 11 concessions sportives dans la région de New York. Ben, les Devils et les Islanders, là, je te dirais, sont 10e, 11e. Là. Oh, oui, c'est clair. C'est sont aussi loin que ça. Là. C'est les Rangers, puis les Rangers, ils viennent après les Yankees, puis ils viennent après le football. Là. Les Rangers, ils viennent peut-être 4-5e. Donc, mais c'est un marché, la population, les possibilités sont grandes, sont énormes. Piquet le sait, là, puis il sent ça. La semaine passée, là, à la suite du congédiement de John Hines, le journaliste du New York Post raconte que, bon, le lendemain du congédiement, Piquet, après l'entraînement, je pense, est allé à New York pour faire une promotion, Red Bull. Bon. OK. Mais la veille, le lendemain, le jeudi, donc la veille d'un match, il est allé au magasin Adidas à Manhattan, ou encore là, pour faire une apparition publique. Ouais. Et le journaliste, la réaction du journaliste a été de dire, ben, c'est une drôle de façon de se préparer, alors que l'équipe s'apprête à jouer deux matchs en deux soirs avec un nouvel entraîneur, un nouvel entraîneur qu'on connaît bien au Québec, là, c'est Alain Nasreddin. Écoute, à Montréal, là, on n'aurait pas osé dire ça, je pense. Non, c'est sûr. Ben, New York on n'aurait pas osé dire ça. À New York, les gens sont on disait que oui, on pouvait dire que, bon, à Piquet, il y a beaucoup d'occupations. Mais tu sais, on ne le suivait pas à la trace. À New York, là, il va s'apercevoir que s'apercevoir que c'est un marché différent. Tu peux être porté au nu, on peut te descendre en enfer vite. Ben, tu te rappelles d'Alex Rodriguez, Marc, comment qu'Alex Rodriguez, quand il était avec les Yankees, comment il se faisait ramasser par les médias de New York. Ben oui. En dernier, c'était incroyable. Là. On me rappelle même d'une entrevue avec une danseuse de Toronto. On l'avait suivi. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette entrevue-là. Ah, ça avait été quelque chose. Là. c'est, on est loin de ça. À New York, c'est la dernière ville où un athlète en difficulté, ou un athlète qui fait des choses... Disons, hors de l'ordinaire, c'est la dernière ville où un athlète veut jouer. Ah, c'est sûr. Qu'est-ce qui est... Moi, je pense à Marc Bergevin. Tu te rappelles, moi, j'avais dit à l'époque, le Canadien va gagner le champ à court terme, mais à long terme, c'est les Prédateurs. Mais là, je pense que Piqué, il est à sa troisième équipe, puis il est pas à sa dernière loin de là. Là, ça doit taper ses nerfs. Donc, Bergevin, tu l'écrivais hier, il se frotte les mains, là, il veut pas, là. Ben là, moi, lorsque cette transaction-là avait été faite, j'étais déçu comme bien des gens que Piqué quitte, puis parce que il représentait bien le Canadien, il était aimé du public. Est-ce qu'il en mettait un peu beaucoup? Est-ce qu'il il en beurrait épais? Oui, il en beurrait épais. Mais j'avais dit à l'époque que si le Canadien échangeait Subban, là, parce que Marc Bergevin nous avait un peu mué la puce à l'oreille là, lors du bilan de fin de saison. J'avais dit, ils ne peuvent pas l'échanger contre n'importe qui. Et lorsque j'ai vu que c'était chez Weber, ben là, disons que j'étais sa clôture. Tu sais, je me disais, bon, je suis déçu de voir partir sous balle, mais ils n'ont pas été chercher un pied de céleri. Là. Non. Ce gars-là, il est respecté, Weber, mais on savait qu'il ralentissait. Ouais. Bon, avec. Puis j'avoue que lorsque les Prédateurs ont atteint la finale de la Coupe Stanley en 2017. Je suis allé vite en affaires. Ben, j'ai pas été le seul. Je me suis dit, bon, ben, on a la réponse. Les Prédateurs ont eu l'avantage dans cette transaction-là. Parce qu'on disait que le Canadien, Weber aiderait le Canadien à court terme. Deux ans, à sa deuxième saison à Nashville, sa première ou sa deuxième, bon, les Prédateurs étaient en finale de la Coupe Stanley. Ouais. C'était sa première. Weber, ben, il faisait du bon travail, mais Weber, c'est un gars. D'abord, on parle de deux défenseurs complètement distincts. Un qui joue un style, un qui jouait, je devrais dire, un style éclatant, et l'autre qui joue un rôle, qui joue un style plutôt effacé. C'est un peu ça, là, les deux. Là. Ouais. Mais aujourd'hui, puis même au début de l'année, j'ai écrit que les deux ne faisaient plus partie de l'élite de la Ligue nationale. Ouais. Dans le cas de Weber, je le regarde aller là, depuis un mois et demi. Il joue comme un des meilleurs défenseurs de la Ligue. Là. J'ai hâte de voir à la fin de la saison, par contre, s'il va pomper l'huile un peu. C'est juste ça que j'ai hâte de voir. Là. Ouais, mais c'est un cheval, Weber. C'est un cheval. C'est un gars qui est fort physiquement. Puis il a l'expérience. Donc, j'ai pas l'impression qu'il va casser en cours de route. Puis je pense qu'au contraire, moi je pense qu'il y a des choses. Il veut prouver des choses. Ouais. Il veut prouver que justement, c'est pas un défenseur qui est sur la pente descendante, qu'il lui reste encore du bon mélange dans le corps. Ouais. Marc, cela dit, je vais me permettre, par contre, cela dit, je suis toujours pas convaincu que le Canadien va gagner avec Weber et Price. Ce sont de bons joueurs, mais l'équipe n'est pas meilleure. Surtout que les 8 défaites consécutives, je pense que c'est ça qui va faire mal à la fin de la saison. Là, ouais, ça peut faire mal, oui, mais il reste encore beaucoup de hockey, il reste encore beaucoup de matchs. Malgré tout ça, là, dans le fond, là, ce que le Canadien doit faire, là, c'est de rester à distance du troisième rang ou du deuxième rang dans sa division. La division, après Boston, là, toutes les places sont ouvertes. On se dit que Tampa Bay et Toronto vont finir par monter la pente. Mais jusqu'à nouvel ordre, là, ces deux équipes-là, ils tirent de la perte. Là. Si ça ne se replace pas à Tampa Bay, je ne serais pas surpris qu'il y ait un changement d'entraîneur. Là, parce que là, c'est... Ben, je pense que si jamais ça se termine à Tampa Bay comme l'an dernier, là, maintenant une élimination en première ronde ou encore pire, pas de participation aux séries, ben, je pense que ça va être la fin pour John Cooper. Marc, dernier point, je vais t'emmener rapidement sur tout le monde réagit au décès de Jean Pagé. Évidemment, hier, moi, j'ai parlé avec Jean Perron, j'ai parlé avec Bertrand Godin, qui était sur le plateau de 110%. Mm-hmm. Tu en étais un également. Ça a brassé pas mal, puis c'était une émission fétiche, comme qu'on dirait. Toi, ton meilleur souvenir de Jean Pagé? Ben moi, c'est drôle, hein? Oui, j'ai travaillé avec Jean à 110%, puis il nous avait amené de la crédibilité. Parce que on était une joyeuse gang de fous, là, autour de la table, là. Puis Jean, là-dedans, il détonnait un peu. Tu sais, il arrivait de la grande maison de Radio-Canada. Puis moi, ce que je retiens de Jean, c'est pas tellement le rôle qu'il a joué à 110% comme l'éloquence qu'il avait devant la caméra. Jean Pagé, là, il a fait partie de la grande équipe des animateurs et l'acteur de nouvelles de Radio-Canada d'autrefois, là, de la grande équipe d'autrefois. Tu sais, lorsque tu entrais à Radio-Canada à l'époque, ben, tu passais par une école. Il y avait l'école des annonceurs de Radio-Canada. Jean, il avait déjà une bonne formation, il était déjà... Mais tu passais par là. Tout le monde passait par là. On corrigeait ta diction. On corrigeait tes fautes de français. Et, tu sais, on dit que la perfection n'existe pas, là. Ouais, c'est quasiment... Mais quand on se rappelle, là, des grandes années du sport à Radio-Canada, là, lorsque Radio-Canada avait la soirée du hockey, puis les Jeux olympiques, puis plusieurs autres sports, les commentateurs qui étaient là, c'était des vrais professionnels. Ah, regarde, Raymond Lebrun, Pierre Dufault, Camille Dubé... Lionel Duval, Richard Garneau, Jean Pagé, René Poitier, on peut le rentrer là-dedans. C'était des vrais professionnels. Puis s'il n'était pas parfait, ben, il n'était pas loin. Mais non, c'est l'image que je retiens de Jean. C'est que ce gars-là, à la caméra, moi je l'ai vu là, faire, lorsqu'on faisait l'intro, là, lorsqu'il y avait l'intro à 110%, c'était enregistré, ça. On disait, là, on annonçait un peu le programme de la soirée, puis on disait les invités qui étaient là. Mais quand, là, Jean faisait la narration de l'intro, là, ça ne prenait pas 5 ou 6 prises, là. Souvent, c'était en canne, comme on dit dans le milieu, là, la première prise. La première prise, là, c'était faite, ça coulait, là, c'était un naturel. J'en ai vu d'autres que pour eux, je ne donnerai pas de nom, mais pour eux, c'était peut-être un peu plus difficile, la nervosité ou je sais pas trop. Mais Jean, lui, là, la minute que les projecteurs s'allumaient et que le micro était ouvert, écoute, pour lui, c'était d'une facilité incroyable. Ah non, c'était incroyable. Puis je veux dire une affaire, c'était... Puis de passer de Radio-Canada à TQS, il a réussi ça du revers de la main, là. C'était pas évident. Non, il a fait la transition... facilement. Puis si je peux me dire quelque chose, mettons un souvenir, c'est que Jean, quand ça dérapait, là, bon, il était capable de ramener un peu l'ordre, là. Mais il était capable de tiser le feu aussi. Moi, là, il nous connaissait, là. Moi, il connaissait mon caractère. Puis il y avait, avec la complicité d'Éric Lavallée, qui était le réalisateur de l'émission, là. Bon, Éric était caché dans sa boîte, là, dans sa console, là. Il nous regardait chacun de nous autour de la table, là. Puis quand il voyait que moi, la moutarde commençait à me monter au nez, là, puis je voulais prendre la parole, là, Éric, il disait à Jean dans son oreillette, « Tiens, laisse-le parler. » Puis là, Jean me regardait avec un petit sourire, « Bon, qu'est-ce que t'as à dire, Marc? » Mais Irène Rico, tu connais, parce qu'à matin, je sais que tu as passé au 91.9, je ne sais pas si tu as écouté tout le segment ce que tu as passé. Enrico, tu connais, disait que Éric Lavallée et Jean Pagé épluchaient le journal à tous les matins, puis par la suite, ils appelaient le monde pour savoir c'est que tu penses de ça. Puis le soir, ils matchaient ensemble. Donc c'était comme. Puis c'est pour ça que ça faisait des feux d'artifice, là. Le concept était bon. Puis pour bien des gens, moi, je me rappelle, écoute, à l'époque, là, la télévision, c'est fort, hein. Ouais. Puis moi, ça fait 37 ans que je suis au Journal de Montréal. Pendant de nombreuses années, je ne pouvais pas travailler dans l'anonymat, mais pas dans un presque anonymat. Ouais. Tu sais, les gens me connaissaient plus ou moins. Les photos dans le journal, c'est petit, puis les gens, ils regardent plus ou moins ça. Mais quand j'ai commencé à faire la télévision, ben là, on m'accostait partout, là, au restaurant, dans une centre d'achat, puis même encore aujourd'hui, même si l'émission est terminée depuis longtemps. Puis il y a bien des gens qui me disaient, « Ah, c'est arrangé votre affaire, c'est STG. » Non. Non. Non. On ne parlait jamais des sujets qu'on allait aborder avant d'entrer en onde. Jamais. Ouais. On parlait de la pluie, du beau temps, qu'est-ce qu'on avait fait ce jour-là, mais on ne parlait jamais des sujets qu'on allait discuter dans les minutes suivantes. As-tu lu donc, le... ça donnait ce qu'on voyait. Ouais. As-tu lu le livre de Daniel Poulain à 110%, qui avait écrit quelques années après sur le 110%? Oui. C'était-tu vrai ou bien c'était... Je sais pas si tu l'avais lu. Ben écoute, je me rappelle, ça fait quand même longtemps de ça, ouais. Danny. Là. Ouais. Parce qu'il y avait des gros égos là-dedans, je peux te dire une affaire. Là. Oui. Michel Villeneuve... Ah oui, ben écoute... Ouais. Oui, mais on voulait tout passer, on voulait tout avoir, sans dire qu'on avait, on voulait tout avoir raison. Mm. On voulait tout passer notre point de vue, puis on voulait montrer que c'est nous autres qui avaient la bonne opinion. Mm. C'est un peu ça. Mm. Tu sais, c'était ça. T'sais, moi, quand j'ai commencé à 110%, j'étais pas le plus vocal. J'étais reconnu comme celui, comment je dirais bien ça, le pondéré, le réfléchi. Mm. À un moment donné, là, par la force des choses, tu deviens... C'est plus extraverti. Là, t'en dis plus. Puis là, ça sort. Là. Ouais. C'était le but de l'émission, mais c'est à ça. Puis la formule fonctionnait à merveille. Ouais. D'ailleurs, elle a été reprise. Ouais. On en voit maintenant, depuis, on voit des anciens politiciens faire des débats à la télévision. Ouais. C'est courant. Le 110% a ouvert un courant. Parce qu'on dit souvent, le sport, ça vient d'armée, ça, c'est pas... Mm. Non, 110% a ouvert les valves pour les émissions de débat public. Mm. Dans tout, là, dans tout ce qu'on peut penser, on regarde les émissions de divertissement à Hors TV, l'antichambre, même à Hors TV, là, dans le domaine culturel, ça a parti une vague, ça. La vague est partie avec 110%. Ouais, c'est sûr. Puis quand t'avais Serge Amiotte qui disait des niaiseries, c'était dur de pas pomper. Marc, très intéressant. Au plaisir de se reparler. Puis félicitations pour ton article encore hier. Ben, c'est moi qui te remercie. Et joyeuses fêtes à tout le monde. Oui, Marc Defoy du Journal de Montréal.